Bon, là, je pense que ça marche. Donc, bon, là, ça marche plus. Oh, c'est incroyable comment est-ce que la technologie hein, qu'on nous laisse. Ça me dit, OK, bon. Bien correct, ça fonctionne. Bon matin, bon matin. Bon, vous avez possiblement. Bonjour, Marie-Jeanne. Bon, parfait. Vous avez. C'est drôle, ça me dit qu'il y a une seule personne. C'est tellement pas fiable. La technologie qu'on a, là, qu'on nous laisse, là, c'est celle des pierres à feu. Hein? Bon. OK. Bon, bonjour, Philippe, Daniel, Marie. Donc, vous avez peut-être appris, bonjour Mel, vous avez peut-être appris, Monsieur Poirier est décédé. Il est décédé mercredi soir, puis je l'ai su jeudi. Je l'ai su jeudi soir. Bon matin, Claudinei, Claudinei. Bon matin. Donc, Monsieur Poirier est décédé, puis. David Lévesque, qui a remis en diffusion, il a republié sa première entrevue avec lui, qui date de 2011. Moi, ouais, il y en a pas mal qui l'ont vu. Ouais. Donc, M. Poirier, à un moment donné, bonjour Lindis, j'étais censé avoir un entretien avec lui. Puis quand on avait commencé, puis ça fait plus d'un an, là, quand on avait commencé à en parler, moi, ça m'avait dit que ça se ferait pas. Puis pourtant, on approchait de le faire parce que j'avais même ouvert un compte Zoom pour ça. Puis bon, finalement, comme d'habitude, ça avait raison, puis ça s'est faufilé, mais je savais pas. En tout cas, très bonne vidéo. J'ai écouté la vidéo hier. Oui, ouais, j'avais commencé à écouter le début. Puis finalement, hier, je suis sorti. Puis, je suis revenu un petit peu plus tard, là. Finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, je vais peut-être la réécouter, mais là, aujourd'hui aussi, il faut que je sorte. Donc, bon, M. Poirier, les échanges que j'ai eus avec lui, entre autres, là, par courriel, puis, bon, il y a beaucoup de choses que je parlais pas, parce que c'est pas des affaires du monde. Mais c'est quelqu'un qui avait eu beaucoup d'expérience. Assez intense, qui avait été séminariste de Bernard, qui avait été aussi avec Daniel Kemp. Je pense même qu'il y a eu affaire à Sabourin. Donc, il avait fait le tour un peu là, de le bestiaire, ce qu'on pourrait appeler le bestiaire, la ménagerie. Puis, c'était toujours très intéressant quand même là, les échanges que j'avais avec lui. Puis, beaucoup d'expériences que, bon, finalement, c'est des choses que maintenant qu'il est décédé, comme M. Poirier, il avait vu, par exemple, le transfert, il était sur les plans, il avait vu le transfert de sa mère d'un plan à un autre, puis des choses comme ça. C'est quelqu'un qui avait vécu aussi beaucoup d'expériences au niveau à l'interne, il avait été gardien de nuit. Vous savez, quand on est gardien de nuit, on est seul avec soi-même. Puis, si on peut dire, là, toute façon de parler, il y avait eu des expériences par rapport à ça. Puis, bon, c'était toujours intéressant. Mais vraiment, quand pour l'entretien, c'est sûr, des fois, on a eu des petits conflits. Ça s'est arrivé. À un moment donné, il avait annoncé le décès d'un homme qui n'était pas décédé. Puis, ça m'avait fait un coup parce que ça me rappelait, ça m'avait comme remis par rapport à un autre décès qu'il y avait eu avant. Puis j'étais pas content. J'étais pas content. Puis il y avait eu un petit accrochage, puis il y avait eu un petit froid parce que j'avais l'impression que s'il avait annoncé, il avait appris en retard une nouvelle. Puis des fois, vous savez, il aimait ça être le porte-voix puis annoncer des choses. Bon matin, Angélique. Puis bon, je trouvais que je le voyais que c'était lié à sa personnalité, qu'il n'avait pas vérifié, puis il avait voulu l'annoncer. Puis bon, Puis j'avais pas aimé ça. Puis j'étais pas content, puis ça avait fait un petit froid. Mais là, j'étais redevenu émotif parce que je le savais que c'était en fait, il avait appelé en retard la nouvelle de quelqu'un que j'ai connu qui était décédé. Puis comme ils avaient à peu près le même prénom, même s'ils ne l'écrivaient pas pareil, bon, il avait pensé que c'était un autre qui était décédé, puis il avait annoncé son décès sur Facebook. Puis vous savez comment j'ai bonjour Lionel. Vous savez comment j'ai les réseaux sociaux, puis ce que ça fait aux gens au niveau par rapport à la grégarité, les aspects sociaux, le côté qui fait partie de notre animalité. Puis j'étais pas content. Puis il y avait eu un froid, mais ça s'était réconcilié un petit peu, mais c'était jamais revenu fluide comme c'était avant, les échanges. Puis bon, je savais qu'il était malade dernièrement. J'avais parlé avec à un moment donné que lui, il pensait que le dernier test qu'il aurait, ça serait le décès de quelqu'un de proche. Puis j'avais dit, ben, s'ils t'ont mis ça dans la tête, ça veut dire que ça sera pas ça. Finalement, le dernier test, ben, peut-être ça a été. Bon, il y a eu des ACV, puis le retour bon, d'un cancer, c'est il y avait déjà eu un cancer avant. Puis finalement, il semblerait, moi, c'était. Bonjour, Benny Nehru. Les réseaux sociaux, c'est comme un ouragan, ça part tout de suite dans tout sens. Ben, c'est ça. Ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué que parce que. Me faire annoncer le décès de quelqu'un qui n'était pas décédé, puis que je savais que c'était lié au décès de quelqu'un d'autre, que lui était vraiment décédé, puis ça avait été un choc. Ça m'avait remis dans un état, bon, parce que moi aussi, je ne suis pas parfait, j'ai des défauts, puis j'étais revenu, bon, puis il y avait un petit accrochage avec ça. Mais j'ai jamais eu rien à reprocher à Sergio, c'est quelqu'un de très bien, avec une éthique. Vraiment très bien, puis bon, j'ai de la misère à me contenir en voyant toutes les écoles primaires du Québec qui permettent les pièces de théâtre LGBT. Ah oui. Ben oui, on est rendu là, là. Ça fait un bout de temps que ça dure, là. Ça va aller plus loin que ça, hein? Aussi bien vous préparer, là. On va en avoir de la misère à voir, à accepter. C'est ce qui vient, puis on n'est pas obligé non plus. Mais bon, bonjour Berthold, nouvelle sur le chat, hein? Le chat ou le chat. Mais je vous suis depuis un moment. Ah, OK, vous êtes nouvelle sur le chat. Je suis du sud-ouest de la France. Ravi de pouvoir interagir avec vous. Ben, bonjour, bienvenue. Mental OA. Donc, mais c'est ça, là, il y a un monsieur qui est quand même une pointure, là, qui était quand même important, qui vient de décéder. Dans les 4 dernières années, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Puis, bon, c'est le septième, là. Donc, il y a si je demande, si je questionne intérieurement qu'est-ce qui se passe, puis tout, ben, je vais me faire répondre des niaiseries, genre roulement de personnel, on fait du ménage, bon. C'est ce que je pense de tout ça, c'est pas important, là. Mais il reste que. Bon, je peux pas vous mentir là-dessus, c'est sûr que ça me fait de la peine. Mais d'un autre côté, hein, je pense que on me l'a rien vu encore, mais il ne faut pas oublier de dire qu'on ne donne pas notre accord à ce jeu, c'est ça. Ben oui, c'est ça dans le fond, dans le sens que on peut pas s'opposer à ce qui arrive. Ça a une politique, ça a une politique du fait accompli. Mais on n'est pas obligé de donner notre accord, hein, quand on le voit, là. À un moment donné, quand ma nièce est encore petite, c'est un petit bébé quasiment, là, ben, on pourrait dire là, plus bambin, là, je pense qu'elle avait peut-être 2, 3 ans. Puis là, mon frère, il mettait des vidéos, ce qu'il appelait dans le temps, voyons, les bonhommes, là. Les Teletubbies. Je n'avais jamais vu ça, mais dans ce temps-là, c'était les Teletubbies. Aujourd'hui, c'est elle même qui a un petit bébé. Puis, je m'étais assis dans le salon, j'avais regardé ça avec elle. Puis, par après, j'avais dit à mon père, à mon frère, J'avais dit à son père, le père de ma nièce, j'avais dit à mon frère, j'ai dit, ce programme-là, c'est de la stigmate. C'est de la stigmate, c'est pas bon. C'est dangereux même. Il y a des subliminales là-dedans, puis ça joue dans. C'est fait pour conditionner les enfants, puis c'est pas bon. Puis là, il m'avait dit, je vois pas le mal qu'il y a là-dedans, mais j'avais dit, moi, je le vois. Moi, je le vois. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais au moins, je pense pas qu'il l'avait après, il avait arrêté de se faire écouter ça. Mais au moins, j'avais dit. Hein? Comprenez, là. Au moins dire quelque chose. La situation qu'on vit maintenant, ça prouve bien la conscience, ou plutôt l'inconscience des gens, moi. Ben, la conscience collective, c'est de l'inconscient. Ça a toujours été. En tout cas. Bonjour, Martin. Virginie, Sergio a eu son diagnostic en novembre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte aussi vite. J'ai été bien peiné car je l'appréciais beaucoup, ainsi que nos échanges ces dernières années. Ben oui, puis à un moment donné, bon, il va en avoir d'autres, il va en avoir d'autres. Mais à un moment donné, moi tout, là, ben, hein, j'ai grandi avec les Teletubbies et Caillou. Ah, une autre horreur. Tout ce qui était fait par Cynar, c'était horrible. Ça l'a scrappé ma génération. Ben oui, ben oui. Comment qu'elle s'appelait, elle? Micheline Charest. Micheline Charest, Cynar. C'est du monde, bon, Caillou, quelle horreur, quelle horreur. Ça, c'est plus dans le temps de mon neveu. Mon neveu, il écoutait Caillou. Puis, mais ma sœur, qui est un petit peu une personnalité différente de mon frère, elle avait arrêté de lui faire écouter ça d'elle-même toute seule. J'ai pas eu à dire ce que j'en pensais. Puis c'est elle qui m'avait dit, écoutez Caillou, puis j'ai décidé de lui arrêter de faire écouter ça. Parce que c'est débile. Ça commence à me taper sur les nerfs le mantra de la vertu philosophique supramentale du ne pas diaboliser les programmes militaires. Ce qui doit être dit, doit être dit. Et voilà, c'est ce que je pense aussi. Mais que, ben, que je pense que. Ben. Mais oui, à un moment donné, c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose dans le supramental qu'il y en a, on dirait, qui ont abandonné avant de venir au monde. Puis pourtant, bon. Je veux dire, à un moment donné, le test, il est... ça passe pas le test, là, dans le sens que ben, on n'est pas pour donner notre assentiment n'importe quoi. Parce qu'il y en a, finalement, ça va être de la roue et ça, de la moralisation, on peut dire ça. Anyway, je parle surtout de ceux qui font de la philosophie avec l'instruction. Voilà. Ouais, il y en a qui aiment ça, penser. Moi, j'aime pas ça. Ben de la misère. Moi, je ne le connais pas personnellement, M. Sergio, mais le cœur lourd depuis les nouvelles de son départ était très bienveillant. Oui, ça se sentait, hein? Bon, des fois, c'était. Vous savez, il y avait un débit de voix très lent, hein? Puis, mais il reste que. On le sentait, hein? C'était là pareil. C'était vraiment débile, les Teletubbies. J'appelle plus ça débile, c'est débilitant, carrément. Là, on est passé à la vitesse supérieure de la débilisation, là. C'est TikTok. TikTok. Ben, de la misère avec ça devrait être interdit. Ça va détruire le système nerveux des jeunes. C'est fait pour. Puis, bon, si on dit ça publiquement, on va passer pour des fous. Mais il faut le faire pareil à un moment donné. Juste le fait de permettre TikTok au Canada, moi je considère ça comme de la trahison. C'est réellement là. Ah, bonjour Leylan, bonjour Mystère Guerrière. Oui, j'ai connu Sergio, effectivement, c'est un homme bienveillant. Ben oui. Puis pas, je veux dire, il avait un ego comme tout le monde, il avait des défauts comme tout le monde, mais c'est pas quelqu'un qui avait la grosse tête. Puis ça, c'est de plus en plus rare dans ce milieu-là. Il était resté simple. Puis bon. Les gens qui donnent les instructions, peut-être, ils veulent se donner beaucoup d'attention. Ben, ça dépend de qui on parle, mais oui, il y a de ça. Mais l'affaire, c'est quand on parle, soi-même, on voit du nouveau. Donc, des fois, c'est difficile là, de voir la différence, de voir. Bon. Souvent, c'est de s'instruire aussi, là. Mais c'est un exercice, mais à un moment donné, avec un recul, j'ai l'impression que l'entièreté des émissions pour enfants dans le canal télévisuel du Québec était complètement MK, Ultra, genre Télétoon, puis toutes ces conneries-là. Ah, ben avant ça, ben avant ça. Prenez quand le ministère de l'Éducation des années 70, ils ont décidé de faire Passe-partout. Passe-partout, même, c'est difficile de trouver plus malsain. C'était malsain. C'était réellement malsain. C'est ce qui était transmis. Bon, justement, j'en parlais avec quelqu'un hier, puis je faisais remarquer des détails par rapport à cette émission-là. Puis, c'est. Waouh. J'étais à la fête à Jacques Leroux il n'y a pas longtemps, je pense, il y a 70 ans. J'ai essayé d'écouter ça, M. Sergio, mais son accent est impossible pour un Français. Oui, il y avait un lourd accent montréalais. Donc, bon, c'est beaucoup de roulements de R, puis en plus, il y avait un débit de voix bas un peu. Mais bon, Passe-partout m'a traumatisé quand j'étais jeune. Ben, c'était débile. C'était débile. C'était vraiment de la marde, là. Puis, je dis pas ça à la légère. C'était vraiment débile. Puis, c'était fait pour des enfants qu'on méprise, des petits-enfants pauvres d'Hochelaga Maisonneuve. Il y avait toute il y avait tous les clichés d'un milieu. Ouais. Prenez. Bon, Madame Coucou, là. À un moment donné, elle a un bébé, on n'a jamais vu le mari. Elle a un bébé qui apparaît de nulle part. C'est des choses comme ça. Vous avez Tibrin, là, l'enfant délaissé, que ses parents s'en occupent pas, puis qui joue dans les poubelles dans la ruelle. Là. Puis là, c'est montré comment lui, il est débrouillard. Puis. Hein? Puis, virgule, là, le hippie, le hippie poteux. Et à un moment donné, là, puis là, ils vont dire, oui, mais on voulait recréer quelque chose par rapport à un environnement comme les enfants connaissaient. Puis, non, non, bullshit, bullshit. Alors, remarquez, dans Passe-partout, les marionnettes avaient une vie relativement réaliste, puis les personnages réels, là, ils étaient comme dans un monde. Complètement irréaliste, là, où il n'y avait même pas de mur, il y avait une sorte d'inversion, là, de la réalité, là. Non, non, c'était malsain, c'était mauvais. Mais bon, en tout cas, pourtant, l'accent québécois, pourtant, l'accent québécois est super. Ça dépend des fois de quelle région. Mais bon, ça vient 16e, 17e siècle, là, cette façon-là de. Les Québécois prononcent encore des accents circonflexes. Puis j'ai remarqué, les Français, on dirait depuis le 18e à peu près, là, on dirait que c'était plus, semblait-il, là, je n'étais pas là. Hein? Bonjour Solange, Denis Solange. Les pierres à feu, c'était-tu correct? Ben, les pierres à feu, c'était pas vraiment pour les enfants, c'était pour tout le monde. Mais à Anna Barbera, là, pas mal ce qu'ils ont fait, là. Tout ça, les pierres à feu, puis les affaires des années 60, là, en général. Soit. Bon, à plein temps avec les marins. Ah, ça, c'était creepy. Madame Bourrette, moi, j'en ai jasé hier avec quelqu'un de ça. Moi, je trouvais ça horrible. Roger Léger qui jouait là-dedans. Puis moi, fort est acteur, puis mon agent m'arrive avec un affaire dans le même, puis là, tu vas donner la réplique à des marionnettes. Non, non, non, non, non. Il n'y en est pas question. Le cachet est mieux d'être extraordinaire hein, pour ce gars, même là. Moi, j'aimais ce passe-partout quand j'étais enfant. J'étais bien naïf. Ben, c'est normal, les enfants. C'est pour ça, moi, que ça me choque. Parce que c'est pas dur de faire quelque chose que les enfants aiment. Ce qui est difficile, c'est faire quelque chose qui va être bon pour eux. Là, au sens, leur vrai bien au niveau du développement. Donc, bon. Musique Plus qui passait constamment des émissions américaines sur les championnats de coupe par élimination. Puis le prix final, c'est une bisexuelle. C'est pas des jokes. Ben, tu sais, ça, c'est des choses. Ça, j'ai pas eu connaissance de ça. Parce que Musique Plus, j'étais pas capable d'écouter ça. Puis ça m'intéressait pas. La première chose que j'ai vue à Musique Plus, c'est Céline Dion qui chantait Incognito. J'ai plus jamais regardé ce poste-là. Puis même dans le temps que j'avais la télévision, c'est-à-dire avant 2005, j'avais des gens que je connaissais, ils venaient chez moi, puis ils me mettaient la télé à la musique. Puis je dis non, non, non. Je la fermais, puis non. Je veux rien savoir de. Il n'y en est pas question, là. Puis, mais aujourd'hui, c'est la continuité de ça. C'est la continuité de ça. Tous les anciens VG, les VG, là, moi je l'appelais les VG, les végétaux, sont tous, bon, hein, est encore là, Véroniche. Elle, je l'ai tout le temps appelée Virus. Bon, en tout cas, on va essayer d'être gentil, là. Des fois, faut que je fasse attention, des fois, parce que la façon dont je m'exprime en privé, puis des fois, je vais être porté à faire la même chose, puis bon, là, on est en public, hein. Donc, Mentalo, oui, pareil pour moi. Ah, j'ai pas vu. Ça m'a interpellé quand tu parlais des formes géométriques qui manifestent une vibration sans aucune réflexion. J'ai ressenti qu'au final, tout est géométrique. Oui, ben, une fois rendu dans notre plan, ben, c'est lié aux lois de la densité de la forme. Mais après, mais il reste qu'il y a encore les lois de la continuation de. L'émission, le ondulatoire, après le vibratoire, puis. Mais il reste qu'on vit dans un monde où il y a une densité. Puis, bon, il reste que, oui, tout est géométrique. Ça fait partie aussi les lois du vivant. Les lois du vivant. Donc, c'est pour ça que les abeilles vont tout le temps faire des alvéoles qui ont la forme la plus ergonomique au niveau de ces lois-là. À moins que si un jour les abeilles se mettent à faire une forme qui n'est pas aussi intelligente, on va pouvoir considérer qu'il y a eu une dégénérescence. Donc, plus ça voudrait dire que les abeilles là, vont disparaître pour vrai, elles ne sont plus capables de faire des alvéoles géométriquement ergonomiques. Là, ça va vouloir dire qu'elles sont déconnectées de leur systémique. Donc, l'âme des abeilles est en perdition, puis ça veut dire qu'il va y avoir bon, une disparition d'habitude, mais. C'est pour ça que je m'inquiétais pas trop pour les abeilles. Elles ont encore un comportement d'abeilles. C'est inquiétant pareil. C'est très important. De plus en plus de rumeurs que Internet serait saboté dans le monde occidental par la Chine et l'ours. L'affaire, un jour, va falloir sortir de la polarité qu'on nous a fait dans le temps de la guerre froide Est-Ouest. Puis de comprendre que derrière des États, comme que ce soit les États-Unis, la Chine, puis derrière ça, c'est toutes les mêmes instances. La Chine puis la Russie, ils ont les mêmes rapports avec les FMI, avec la finance internationale que les États-Unis, par exemple. Donc, vous pouvez considérer que la guerre froide, c'était pour manipuler au sens de faire voter des budgets, des choses comme ça. Puis quand il y a une guerre, souvent, le but, c'est d'éliminer de la population. Là. Puis s'il y en a, ils jouent aux échecs. Là. Ils s'amusent. Ben, ils s'en foutent. Hein. Regardez Macron. Là, je pense qu'il vient de donner la Légion d'honneur à Zelensky. Si c'est pas insulter la France, ça, je ne sais pas c'est quoi. De toute façon, depuis les dernières décennies, on dirait qu'il la donne à des gens. Ouais. N'importe qui peut l'avoir. Ça continue, là. N'importe qui. Je veux dire, un imbécile, un artiste ridicule, une marionnette qui était corrompue dans les Panama Papers, puis eux autres, ils vont leur donner la Légion d'honneur à ce. Bon, en tout cas, voici les gens qui ont créé Passepartout. Consommer de grosses drogues. Oui, ça sent, hein? Ça sent. Ça paraît, oui. Je réécoute les épisodes et c'est vraiment débilitant. Ben oui. Ben oui. Puis bon, moi j'aimais bien Michel Deslauriers, puis aujourd'hui je suis plus capable. En tout cas, bonjour Fleur Clarisse, Marie-Jeanne. Parle-nous du soleil. Le soleil, ben là, ça dépend, là. Hein? Je répète ce que vous voulez dire. Là, l'incognito calice, c'est une toune plate. Ben oui, virus. Bon matin. Ma génération a été biberonnée à Il était une fois l'homme, le truc idéal pour former la jeunesse. Ouais. Ah oui, il y avait des choses là-dedans. Au niveau historique, là, On est dans de la fiction. On est dans de la fiction des fois. Puis bon, mais c'était quand même moins pire que ce qu'on a eu au Québec, là. Mais nous aussi, on l'a eu, ça. C'était pas franco-italien, il me semble, il n'y a pas juste la France qui avait. En tout cas, il y avait aussi, là, il était une fois la vie. On commençait déjà à. En tout cas, la propagande de Corona était pas loin, là. Quand j'ai monté le mont Saint-Hilaire, j'avais aucune idée du terrain privé appartenant à McGill, mais quand j'ai vu la pancarte qui disait McGill, j'ai automatiquement vu le lien avec. Ouais. Ben oui, puis c'est plein de places comme ça. Ouais. Hein? En parlant de. Oh, vous venez de me remettre dans un mode de pensée où. Ah, il est là, l'oiseau manqueur. Ah, bon matin, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Donc, Marie-Jeanne, il se moque de nous ouvertement. Ben oui. Ben, ça fait partie de. Voyons, j'étais où, là? Ça fait partie de. Vous savez, quand vous voulez casser quelqu'un, il faut l'humilier. Puis, c'est rendu à des niveaux où on est cassé, puis on ne le sait pas. On ne sait pas. En tout cas, fait que oui, ça, c'est pour ça que ça va être de plus en plus. C'est devenu la Légion de l'horreur. Ben oui. Mais est-ce qu'il y en a de joués tout autrement? Vous savez, là, la Ve République, puis bon. Hein? Bobino était héroïnomane. Ben, ça ne me surprendrait pas, là. Je le sais pas, là. Mais Bobino, c'est une autre affaire que j'étais pas capable. Mais je sais pas, les pétards à la farine, c'était quoi ce petit passe mobilette, là? Bobinette, moi je l'appelais mobilette parce que. Elle fumait elle mettait de la coke dans ses joints, puis elle appelait ça des pétards à la farine. C'est toutes des choses, moi. Mais lui, Sam, je pense qu'il s'appelait. Ça n'a pas l'air d'un mauvais bonhomme. Mais les artistes, ben. C'était toute sa vie, hein, ça, Bob. En tout cas, c'était moins pire que Passe-partout quand même. Moi, l'affaire que j'aime pas, c'est les débuts des émissions qu'on met des petits dessins animés entre d'autres affaires. Puis, bon, je sais pas si vous vous souvenez, comment ça s'appelait ça? Kéméclip. Ça, c'était débile. C'était débile. Clip, c'était un petit bonhomme électronique, là. On commençait déjà à nous parler d'intelligence artificielle et aux enfants. Puis ça fait un bout de temps, là, c'est dans le début des années 80. Puis Clip, quand c'était un petit bonhomme, là, il était masculin. Là. Puis quand il était. En plus, il avait choisi des couleurs mauves et jaunes, ceux qui connaissent là, au niveau des couleurs. Là. Puis quand il était content, il venait plus gros. C'est subtil, mais. Bon, mon patente, il. En tout cas, j'ai vu une vidéo sur les personnes qui se nourrissent de prana. Ensuite, ceux qui mangent des fruits et légumes, ils mangent le prana au travers de l'aliment vivant. Mais y a-t-il du prana, le Nutella? Voyons, là, le prana, il faut me pardonner un peu, là. Puis le Nutella, ben, comme bien des affaires industrialisées, c'est du poison, tant qu'à moi, là. J'ai pas envie de me faire poursuivre par eux autres, là. Mais, c'est de l'huile de palme, là, surtout, là. Vous mettez un pot de Nutella au soleil, là. Après, ça a l'air de, on dirait, du vernis, là. Donc, bon, l'apprenant, c'est pas du bon. Bon, vous savez, moi, je suis assez. Prenant de Nutella ou de la moutarde. La moutarde, c'est bon pour la santé. Mais là, de la vraie. Ouais, de la vraie moutarde. La moutarde industrielle, jaune phosphorescent, là, non. Hein? Quand c'est jaune serin, là, non, non. La moutarde, c'est pas supposé être. Hein? As-tu entendu parler d'outils russes qui régéométrisent l'espace, les. Correcteur d'état fonctionnel, dont un anti-cataclysme qui nettoie le plan mental à plusieurs kilomètres à l'heure. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Puis, ben, franchement, Je suis sceptique, là. Un petit peu dubitatif, juste en lisant. Là, les... McGill détient des parcelles de terre partout à travers le Québec, souvent d'anciennes fortifications, points stratégiques anglo-saxons du 18e. Ben, pas surprenant. Mais là, ouais. Mais il y a une affaire à un moment donné, il va falloir se rendre compte, c'est que c'est connu en Occident depuis longtemps. Il y a quelque chose qu'on appelle la géomancie. C'est lié à l'électromagnétisme, entre autres, qu'il y a sur les terrains. Puis bon, puis les Anglais sont plus calés là-dedans qu'on pourrait qu'ils le laissent entendre. Mais de toute façon, vous savez, dans le fond, là, il y a juste... En tout cas, là, je vais faire attention à ce que je dis, là. Mais à mes yeux, il y a déjà comme on nous fait croire là, qu'il y a une chicanerie entre les Chinois et les Américains. Puis bon, hey, hey, hey. Non, non, non, non, non. Nous n'avons qu'un seul ennemi sur cette planète, OK? Bon, il est pas, ça va au-delà des nationalités. C'est transnational. D'ailleurs, c'est obsédé par ça. Puis bon, en tout cas. Salut, Bertel. Bonjour, Luc. Bon, j'étais où, là? Message retiré. Ah, j'ai pas le temps de vous lire. Bonjour. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'intéresses à telle chose ou telles affaires? Ben oui. Ça fait partie de mon intérêt de me demander pourquoi j'ai tel intérêt. Hein? C'est un petit côté méta, là. Des méta. C'est quoi de la méta? C'est quoi une méta-conscience? C'est quoi d'avoir une conscience de sa conscience ou de au moins juste avoir au moins l'intérêt de savoir que. Hein? C'est un peu comme. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, puis je disais, moi, les affaires qui sont dites sur le surmental, ça passe pas. Pourquoi? Parce que le surmental, c'est une observation du mental. C'est pour ça qu'il y a un surmental. Quand vous commencez à observer votre mental, là, il y a des créations de surmental. Ce qu'on pourrait appeler une méta-conscience, c'est-à-dire commencer à avoir une conscience de sa conscience. Alors, ça commence à être... Il y en a... Si vous regardez ça intellectuellement, puis vous vous mettez à philosopher avec ça, vous allez vous perdre, là. Parce que pas... L'intellect ne peut pas se comprendre par l'intellect. OK? Dans le fond, là, Lady Gaga qui pioche sur un drum et reçoit le vomi d'une fan qui a les doigts dans la gorge. Ben voyons donc. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. OK. C'est donc bien dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Vraiment, là. Mais là, elle, les dix dégâts, là, je pense que ça a été une élève de. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Marina Abramovic, là. C'est un petit peu la succession d'Anton Lavey, ce femme-là. Hein? C'est, on peut faire soi-même la moutarde, il y a des recettes. Ben oui. Puis ça pousse. C'est possible. Peux-tu nous parler des vrais dieux venus dans l'espace de la Terre, tels que le dieu Slavrod, qui permet de ressentir l'émotion de joie du succès? Non. Non, non, non, non, non. Vous ne me ferez pas digresser. Je vais même me retenir, là. Parce que, là, les vrais dieux, là, un instant, là. J'arrive de travailler. Ah bon, ben, bonjour, Bob. C'est en essayant de comprendre la métaconscience qu'on frôle la folie. Non. Ben oui, si vous parlez comprendre au niveau intellect, là, ça peut arriver, mais pas besoin juste par passer par là, là. C'est la folie, là, des fois, là, même pas besoin de se rendre là. Ça va se déclencher. Mais là, bon, ça dépend tout à fait de quoi on parle. Mais comprendre la métaconscience, ça se comprend pas, ça se voit. C'est des phénomènes, bon, c'est ce qui est en dehors de l'intellect. Comprendre, c'est l'intellect. S'il faut faire un effort pour comprendre, c'est que, bon, vous n'êtes pas dans du méta, là, tant que ça. Parce que les enfants, ça se sait instantanément. C'est ça la différence entre la connaissance puis un savoir. La connaissance, bon, c'est ça qui nous mène. Puis c'est ce qui est doctrinal, par exemple. Puis ça, c'est autoritaire. Mais c'est pas l'autorité réelle. C'est pas l'autorité réelle. Marina, ouais. Bonjour à tous. Ah, bonjour, Roselyne. Bon. Je pense que... Bon, un instant, là. Bon, il va faire noir, hein? Et pour allumer ma lampe en plus. Pourquoi, selon toi, les petites choses de la vie nous affectent, mais ce qui est considéré comme grave et important ne nous affecte pas? Ben, c'est du cas par cas, ça dépend de tout le monde. Ah, bonjour Roselyne, je ne sais pas si c'est du cas par cas. Mais affect, prenez, regardez, c'est quoi les affects? Donc, bon. Bonjour, quel est votre avis sur toutes ces farines d'insectes qui arrivent de plus en plus dans nos assiettes? Ben, peut-être que ça a déjà commencé depuis un bout de temps. Ce que j'en pense. Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense? Non, là. Bon, prenant en Corée, quand c'est la saison, ils mangent de la soupe de verre à soie. Bon, peut-être une fois par an, c'est pas mauvais. Là. On voit ça dans la médecine chinoise aussi, là, des vieux certains insectes qu'on réduit en poudre. Puis, mais c'est vu comme un médicament, c'est pas vu comme une nourriture journalière. Hein, j'ai plein de la misère avec ça. Mais disons que c'est une vibration de merde. Justement, les vrais dieux, par distinction des faux que tu as déjà dénoncés, pourquoi pas se connecter à une vraie émanation divine envoyée par ici dans l'espace extérieur de la matrice? J'aime pas votre... bon. Juste les termes employés, là. L'affaire de matrice. Puis à un moment donné, le Christ, là... Soit il y a le réel, puis il y a ce qui n'est pas réel. Puis tout est imbriqué dans... Bon. Fait que l'affaire de matrice... Tu sais quoi, une matrice? Une matrice, là, c'est un espace de développement pour quelque chose qui est embryonnaire. OK? Puis là, si on commence à faire distinction, les vrais dieux puis les pas vrais dieux, là, fuck... Non. Là, je m'en retiens, là. À propos du vide horizontal, j'ai lu que de suivre du regard ces lignes permettait de connecter les deux hémisphères du cerveau et donc améliorer l'accès à notre intuition. Vous savez, l'affaire de la binarité des hémisphères du cerveau, c'est dépassé pas mal. Donc, wow, là. Mais oui, il y aurait un lien à faire pareil. Mais il reste que, bon, moi, l'affaire de yoga des yeux, puis bon, ça dépend, là. Ça dépend, vous êtes rendu, là, puis ce que vous voulez faire. Mais non, je suis très dubitatif de ces techniques comme ça. Là. Métaconscience, conscience agissante non pourvue d'une boîte noire mémoire et de fait invisible à toute forme susceptible de consulter son historique d'agissement. Ouais, ben là, pourquoi dans le supramental, si vous avez un début de certains phénomènes, une des premières affaires que vous allez remarquer, c'est des changements au niveau de votre mémoire. Puis même, ça peut devenir un problème, là. Ça peut devenir un problème. L'autre jour, il y avait, je pensais à une personne qui est décédée il y a très longtemps, puis j'arrivais pas à me souvenir de son nom. J'étais en colère. Puis je disais, je veux savoir son nom, je veux l'avoir. Puis là, intérieurement, ça me disait, pourquoi, tu sais, il va faire une recherche sur quoi. Je dis, non, je veux l'avoir. Puis je me suis débattu pendant peut-être 45 minutes pour... retrouver le nom. Mais je l'ai eu. Mais il a fallu que je l'arrache de force. Pourtant, c'est ma mémoire. En tout cas, je sais que d'être au courant d'un paquet de phénomènes historiques ou quantiques élève la conscience, mais tu n'as pas l'impression que ça nuit de trop en savoir. Non, et là, on fait la différence avec la connaissance. Parce que ce que vous parlez, dans le fond, c'est de la connaissance. Puis, bon, de toute façon, non, pas nécessairement. Ça dépend, là. Ça dépend. Il y a un paquet de choses que je sais que j'y pense pas, jamais. Je parle au niveau de la connaissance, là. Ouais, les crises de terre, matrice, Gaïa, Terre-Mère, chaque... Ouais, ben là, non, juste même sans tomber dans l'affaire comme nouvel enjeu à ce point-là. Là. Sacrément que ça m'énerve, puis on peut facilement... voir Alice Bailey, ses amis, rire en arrière. Bon. Les affaires comme la Lucitros puis ces cossins-là. J'ai déjà vécu dans une ville que le logo de la commission scolaire, ça ressemblait tellement au logo de l'Ordo Templum Orientis que j'ai voulu savoir c'est qui a sorti ce logo-là, qui a mis ça comme logo. J'étais comme un petit peu pas de bonne humeur. Puis finalement, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait une société secrète au niveau de la ville qui était liée à l'éducation. Ok, bon. Tu fais bien d'être dubitatif. La connaissance ne peut pas nuire. Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle, calice. Parce que la connaissance, parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas ce que je veux dire par ça. Vous êtes dominé dans votre vie par de la connaissance. Le monde qui vous domine, puis qui a autorité sur vous, puis qui vont décider même de votre mort, peut-être, c'est par de la connaissance. C'est la seule autorité qu'ils ont. Puis c'est pas réel. Puis le seul moyen de s'en sauver, des fois, c'est au niveau d'intuiter un savoir. Parce que ça dépend, là. La connaissance ne peut pas nuire. Voulez-vous des exemples? Un instant. Toutes les pires affaires qu'on a eues, toutes les pires choses qu'on nous fait subir, ça passe tout le temps par de la connaissance ou une prétention à la connaissance où on va servir des formes de la connaissance. Des formes de la connaissance. Comme quand on vous dit la science. La science, puis c'en est ça du formel densifié qui vient remplacer autre chose. Puis finalement, ben là, la connaissance, c'est le monde des formes. La connaissance, c'est le monde des formes, puis il n'y aurait pas de manipulation dans le mental des masses sans la connaissance. Hein? Puis la seule affaire qui peut briser ces formes-là, c'est un savoir. C'est un savoir. Pourquoi? Parce que l'individu, il est coupé. Il est coupé. Il est coupé de sa source. Puis tout ce qu'il y a pour s'en sauver, c'est une dispensation qu'on appelle la conscience. La conscience. À un moment donné, là, à un moment donné, pourquoi la conscience a été donnée à l'être humain après ce qu'on pourrait appeler les temps de l'innocence? Parce qu'il fallait qu'il survive. Il était rendu dans un monde dense hostile. Puis finalement, moi, ce que je vous dis, c'est qu'à la connaissance, c'est ça le serpent. Puis ce que je vous dis, c'est le savoir, c'est pas pareil. Hein? Au niveau psychosocial, la grégarité humaine, la transmission des formes, c'est ça de la connaissance. C'est ça qui a fait les sociétés comme on les a là. C'est ça qui a fait que l'individu est dominé à travers le collectif. OK? Ah, c'est quoi la connaissance? C'est pourquoi c'est donné par un serpent? Pourquoi, bon, toutes ces formes-là? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Parce que ce n'est pas les formes qui sont importantes. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi l'OMS, c'est un crisse de serpent comme logo? C'est quoi de la connaissance? Puis au point de la connaissance. La connaissance, on peut dire. Bon, Foucault, ça dépend de quoi on parle, mais il reste que. Bon. 4 par 4, donc un mouchoir en ce qui concerne les formes capables de consulter par télépathie ou autre. Attends, oh, je suis perdu là. Ça va trop vite. Wow, de la mémoire d'autrui, ouais. Mais l'affaire, c'est qu'on est en rapport avec. Rapport aux 8 aplatis, il m'était venu à l'esprit que le lichtus des premiers chrétiens était comme un 8 aplatis, mais ouvert. Ouais, là, on tombe dans des affaires, on va en parler. Moi, je vais me perdre. Mais au niveau, bon, par exemple, symbolique, le poisson, là, à un moment donné, c'est parce qu'il faut connaître la signification des lettres grecques. Ça devient du stock, là. Ça devient du stock, puis est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas tant que ça. C'est des supports, hein, c'est tout. C'est ce qui est au-delà des supports qui est important. Donc, la connaissance, c'est le support, si on peut dire souvent. Puis, des fois, on se perd dans. C'est un petit peu ça, là, s'enfarger dans les fleurs du tapis. Un surplus de connaissances permet à l'ego de se faire une raison ou une compréhension, mais selon moi, un gros piège, ça dépend de quoi on parle. Quand vous vous faites une raison, ce n'est pas par de la connaissance, c'est justement des fois par un trop-plein. Ce qui va faire que vous avez un trop-plein, puis que là, vous le vérifiez dans les faits, c'est-à-dire vous avoir une intégration de votre expérimental, ça, c'est un savoir. OK? Donc, moi, je le vois de même, là. Je le vois comme ça. Voyons, il m'était venu de quoi que je l'ai perdu. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'il Il m'est venu de quoi? Je l'ai perdu. Maudit. Quand j'ai de quoi, je voyais quelque chose d'important, puis pouf, il me le fait enlever. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est réellement la colère mentale? On m'a expliqué que c'était une colère dépourvue d'émotion. Peut-on dire que c'est notre autorité? Oh, OK, là, oui, que c'est notre autorité, oui. La colère mentale, c'est une vibration qui va être liée à l'observation. Qui va être liée. Quand vous voyez quelque chose, puis que vous l'observez, puis vous voyez à travers, puis vous l'observez, là. Dans le sens, vous le voyez, là. Vous le savez. Puis vous allez ressentir une colère, mais une sorte de colère qui n'est pas liée aux affects. Ça va être au-delà. Là, d'une certaine façon, il va y avoir une vibration, si on peut dire. Puis là, c'est des formes qu'on emploie, mais même là, le terme vibration, je commence à en avoir plein. Bon. Mais c'est un petit peu comme, quand vous savez, un dentiste, là, il va mettre ses instruments dans un appareil qui fonctionne à ultrasons, puis il y a plein de petites particules qui se défont. Par l'observation, on peut défaire des vieilles structures au niveau là, de votre fonctionnement, justement, du le mental. Le mental. L'épuration du mental se fait par la colère mentale. La colère mentale commence par l'observation. C'est ça qu'on a appelé le réel, entre autres. Mais bon, ça devient difficile à un moment donné. Tu avais parlé à un moment donné qu'il faut traverser le mur de feu, niveau conscience, référence à l'initiation solaire, non. Mais plus précisément, tu voulais dire quoi? Alors ça, là, ça devient, vous savez, l'âme, c'est immortel, mais c'est pas éternel. Puis à un moment donné, il y a des âmes, bon, c'est quoi la damnation? C'est quoi ces affaires-là? Là, on tombe dans des affaires qu'il y en a qui ne m'aimeront pas, si je parle de ça. Je n'avais pas remarqué la différence entre le savoir et la connaissance. Ce qu'on sait qui vient de l'intuition, c'est du savoir. Ça dépend. On peut intuiter du savoir, mais ce n'est pas tout le temps du savoir, l'intuition. Il y a des choses, des fois, là, vous avez été instantané, puis vous allez le savoir. Vous allez savoir que ça, c'est ça, puis il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de plus le savoir. C'est impossible. Il y a une fois, il m'est arrivé une expérience. J'ai su que mon père allait venir chez moi, puis qu'il allait me confronter. Puis je le savais, c'était un savoir. Ça m'avait été, je le savais, je l'avais senti d'avance. Parce que je le savais. Ça allait au-delà du temps et de l'espace. Là, tout d'un coup, je touchais à de la, ce qu'on pourrait appeler de la programmation. Donc, j'ai lu la programmation, je l'ai vu, ça m'a frappé. Le savoir, c'est percutant. C'est percutant. Des fois, là, c'est comme une mère, là, tout d'un coup, elle fait son travail, puis elle fait ses choses, puis là, tout d'un coup, elle sait qu'il y a un de ses enfants qui est en danger. Là. Elle le sait. Puis là, tout d'un coup, là, elle se met à paniquer, elle téléphone, puis tout, puis finalement, elle se rend compte que oui, il se passait quelque chose. Ça, c'est de l'ordre de savoir. Mais c'est pas le savoir, mais c'est du savoir. C'est du savoir. Par où ça a passé? C'est là que ça devient intéressant, certaines structures. Certaines structures par rapport au psychisme humain, qui fait que, oui, on est en circuit fermé, mais il y a une structure pareille. Ça circule pareil. Mais en tout cas, on est c'est au niveau, entre autres, l'âme. Des fois, des choses traversent l'âme. L'âme, vous savez, c'est un monde de la mémoire expérimentale, l'enregistrement, entre autres, de la mémoire expérimentale, la programmation. Des fois, il y a des choses, il y a une programmation qui va se briser, puis on va tomber dans une autre programmation. Ça devient complexe, là. Des fois, là, en live, là, ça devient. Mais il faudrait à un moment donné que. C'est parce que l'affaire, si je me dis, si je veux faire une vidéo, je parlerai juste de ça. Le problème, c'est qu'après le live, je m'en rappellerai plus. Que je t'ai dit, il faudrait le parler en détail. En tout cas. Hein, on ne peut pas connaître ce que l'on sait. Et voilà. Ça, c'est bien dit. On n'a pas besoin. Ma connaissance, ça nous mène dans la mort. Et le savoir, ça nous mène vers la vie. Oh, ça, c'est beau. Moi. Ouais. Vous savez, il y a ce qui est de l'ordre de la connaissance, c'est-à-dire comme la doctrine, des choses comme ça. Mais il y a ce qui est de l'ordre du savoir. Le savoir, c'est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelait anciennement la révélation. Ça, c'est du savoir. Bon. Au niveau de la connaissance, j'aime bien l'image du serpent, la connaissance qu'il faut écraser avec son pied. Ouais. Puis c'est présent partout, hein? C'est présent partout. Prenez, comment est-ce qu'il s'appelle donc, le loa, là, que c'est un serpent? Oui, c'est la connaissance là, des. Entre autres, pas Papa Grandbois, l'autre, là. Par rapport à certaines choses, la nature, puis bon. À un moment donné, là, ces affaires-là. Non, non, non, non. Hein? Il y en a qui ne sont pas tout à eux autres. Ils ont des chefs-têtes, puis ça va passer par des choses comme le serpent. Mais là, à un moment donné, il va falloir sortir de ce qui est une spiritualisation du chamanisme, une spiritualisation de l'animisme. C'est-à-dire, il n'y a pas juste l'âme, là. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait un contact avec l'esprit. C'est ça, c'est de l'ordre de la révélation. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des êtres dans l'invisible qui servent la connaissance pour avoir autorité sur nous, ils ne savent rien. Ils veulent juste dominer puis influencer. Ça marche par l'influence. Puis bon. C'est là que, ouais, parce que c'est cher payé, hein, puis des fois, ça revient à des programmations collectives. Puis une connaissance vécue et ressentie peut engendrer un savoir, oui. Ben oui, comme quelqu'un qui fait tout le temps la même erreur, des choses comme ça. Une fois qu'il a assez souffert, là, il va avoir une intégration au niveau de son expérience. Puis là, finalement, il peut avoir un contact avec son savoir. Puis il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'on sait, on le sait. C'est pour ça que. Des fois, il y a des alcooliques qui arrêtent de boire, puis là, ils font des rechutes, ils arrêtent de boire, ils font des rechutes, là, ils sont dans de la connaissance expérimentale. La journée où ils savent qu'ils ne boiront plus, ça devient impossible. Là, on est dans d'autres choses. On est dans autre chose. Un scientifique énergéticien, c'est pas un petit peu oxymore, ça, là, scientifique russe prétend encoder dans ses plaquettes magnétiques de soins. C'est sûr, c'est un scientifique, ça. Des plaquettes magnétiques de soins, des canaux cosmo-énergétiques reliant ce qu'il appelle les dieux traditionnels slaves. Je me demandais si. Vous savez, juste par la vibration, là. Les termes. Je veux dire, ce qu'il y a derrière la forme, ce qu'on peut sentir. Vous vous sentez pas que vous sentez pas que vous faites avoir. Dans le sens, regardez les termes, là. Scientifique énergéticien, de là, il y a de quoi, là, OK. Prétend, ouais. Plaquette magnétique de soins. Canaux cosmo-énergétiques. Dieu traditionnel slave. Mettez tout ça, additionnez-les toutes. Puis regardez la vibration qu'il y a en arrière des formes. Savoir et connaissance, deux plans différents. Ah, ben oui. Ben oui. Ce qui fait la différence, après, je dirais, entre âme égo et l'esprit. Ce sont des égrégores ou bien des entités bienveillantes d'essence divine. Attendez, là. D'essence divine. Il y a quand même des mondes divins faisant partie du réel. Regardez là, les formes. Fleur Clarisse. Venez-vous vous venez pas du supramental, vous, c'est d'autres domaines, là. C'est d'autres milieux parce que il y en a même Sergio, d'autres, vous sortez des affaires de même, il y en a, ils vont rire, comme d'après moi, Sabourin, il rirait. Mais il y en a qui se seraient choqués. Il y en a qui se seraient choqués. Il y en a un, là, il venait choqué. D'après moi, Bernard, se sortir d'un affaire de même, là, il aurait fini, puis ça l'aurait mis en vibration, pas à peu près. Ça serait mal parlé, puis il l'aurait tout défait. Il aurait tout défait, ça. Ce sont des égrégores ou bien des entités bienveillantes d'essence divine. Prenez, regardez les formes, là. Entités bienveillantes d'essence divine. Regardez les formes. Regardez ce qu'il y a en arrière. Dire, maintenant, il va falloir avoir la perception du vibratoire. Vous allez voir que c'est des formes, c'est lié à l'âme. Puis, bon, mais là, c'est ce qu'il y a en arrière qui est connaissance, naître avec. Ouais. Marie-Jeanne, la connaissance, j'écris. J'écris ma connaissance. Bon, ça dépend, là. Ça dépend de quoi on parle. Mais la force, parce qu'on a été toute manipulation au niveau de l'âme et de l'intellect sur Terre, c'est tout le temps fait par ce qu'on appelle la connaissance. Prenez par exemple, comment je pourrais dire ça? Prenez par exemple quelqu'un qui fait de la fraude par téléphone. Il va se servir de la psychologie de son interlocuteur. Ça, c'est de la connaissance. Prenez après ça, la personne qui a été fraudée se confie à un ami, puis l'ami va être franc, puis il va dire clairement, tu étais naïf. Comment se fait que tu as créé des affaires d'avant? Là, c'est une autre vibration. Là. Se faire dire clairement, même, tu es naïf. Ça, c'est lié à une vue. En tout cas, comme la colère mentale, peut-on accéder aussi à une bienveillance mentale? On dirait. C'est parce que là, bon, ça dépend. Là. En accédant à une bienveillance mentale, on dirait que ce sentiment est cérébral. Ça ne se développe pas au niveau du centre du cœur. Ouais, c'est parce que là, il y a une affaire à un moment donné. Tu sais, quand je vous dis, on est en circuit fermé un peu. Supposé être lié, tout ça. Il n'est pas supposé avoir de séparation des centres tant que ça, parce que c'est supposé avoir le rayon. Dans le sens que faut qu'il y ait un alignement des corps. Ce qui va être de la bienveillance dans un plan va être de l'intelligence dans un autre, va être de la lumière dans un autre. C'est des termes, là, entre guillemets. Mais la bienveillance, des fois, là, souvent, on vit dans un monde, souvent, il y a des gens malveillants qui passent pour des saints. Puis il y a des gens réellement bienveillants qui vont passer pour des violents puis des écœurants. Pourquoi? Prenez la thérapie pour les gens qui ont des addictions, thérapie par la parole. Dans ma région, je regardais les statistiques, là. Savez-vous c'est quoi le résultat de ça? 96% de récidive. C'est-à-dire que même un placebo est plus efficace que les thérapies par la parole pour ces choses-là. Mais c'est donné par qui, ça? Par du monde bienveillant. Du monde bienveillant, mais Christ, ils ne sont pas conscients. Ils sont pas conscients. Parce que les patients qui reçoivent, au lieu de leur dire, ben là, c'est lié à tout ton vécu, puis blablabla, puis il faut t'apprendre à te pardonner, puis blablabla. À un moment donné, la bienveillance, ça peut être de ramasser par quelqu'un par les épaules, puis dire, hey, tabarnak! T'agis comme un Christ de sans dessein, t'es un innocent. Christ, regarde-toi. Ça, des fois, ça peut être de la réelle, réelle bienveillance. Puis pourtant, ça va passer pour. Parce qu'il y a des choses, vous ne pouvez pas, sans des chocs, ça ne marchera pas. Des fois, c'est du monde qui sont réellement bienveillants qui vont passer pour des écœurants. Des écœurants. Il y en a, moi, qui me traite de fou dans mon dos. Ils me trouvent trop rough. Ben oui, mais là, moi, l'affaire, c'est une question d'efficacité. C'est pas. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas suffisant, les bonnes intentions. Ça marche. Même au contraire, des fois. Pour ça, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des fois, être bienveillant. Wow, là. Wow. Pourquoi? Ben, prenez. Madame Lanctot, Monsieur Aiglian, en apparence, là, c'est bienveillant, ils sont bienveillants. Puis finalement, on est dans une grosse crise de marde, puis tout du monde bienveillant qui nous ont mis dedans. Puis le monde qui vont vouloir vous aider à sortir de ça, puis tout, ils vont passer pour des intolérants, des haineux. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde mental, la polarisation, la polarité. En tout cas, je vais devoir cesser bientôt, là. Je vais essayer de lire les derniers, là. Je savais que mon frère allait partir, mais je. Ah, attendez, là. Oups, je suis où, là? OK, mais je ne voulais pas le voir, le croire. Ah, bien souvent, ce qu'on sait. On est pris dans on veut pas le voir, on veut pas le croire, mais on le sait pareil, c'est là pareil. Puis finalement, c'est après coup qu'on dit, ben je le savais. Je le savais. Prenez, vous regardez le sens des mots, là. Je le savais. Puis souvent, même si on était dans le déni, parce que même quand vous êtes dans le déni, ce que vous savez, vous le savez. Parce que le déni, lui, est au niveau psychologique. Mais ce que vous savez, ça, c'est un autre niveau. est à un autre niveau. Puis au niveau psychologique, votre ego essaye de se protéger. Mais ce qu'on sait, on le sait. Ça m'est arrivé beaucoup des fois de savoir en avance ce qui va arriver. Et quand je dis aux gens, ils sont choqués, moi. Bien, vous savez, le savoir, c'est au-delà du temps et de l'espace. La connaissance, c'est temporel. C'est pour ça que on a pris de la révélation qui était intemporelle, puis on a fait du temporel avec. Il est là, le serpent. Il est là, le serpent. Il est là, le... En tout cas. Bonjour, nous venons du même département. Bonjour, oh, vous êtes dans le même département. Vous venez du même département. Ah oui, du 60. Bon, il y en a un qui est effacé. Bonjour. Ah, bonjour, Trinity. J'ai bien compris, la colère mentale, c'est voir et atomiser une connaissance erronée. Moi, parce que ça ne marchera pas. Si vous observez, si vous observez au point de voir à travers la forme va se défragmenter, c'est-à-dire que pas la densité du réel va se défaire. C'est comme quelqu'un qui se tire les runes ou qui se tire les cartes avant d'aller faire sa journée, puis finalement que ça lui fait faire des conneries ou prendre des décisions qui sont pas bonnes ou ça lui fait mal intuiter ou bon. À un moment donné, ça se peut que le jeu de tarot se ramasse dans les poubelles. Puis ça, c'est de la colère mentale à mon coup. Dans le sens que c'est des supports. Tandis que au niveau de votre intelligence, votre savoir, le support, c'est vous. Hein? On n'est pas supposé s'adonner à des sparages, à des simagrées pour être obligé d'avoir accès à notre intelligence. Et là, la manipulation, et là, l'insulte qui est faite à l'intelligence de l'individu par toutes sortes de mémoires, puis les influences. Parce que là, à un moment donné, ça va faire. On est bon, est-ce qu'on va se mettre à projeter des coquillages, puis des os comme des marabouts de... Voyons, là, à un moment donné, il va falloir partir de quelque... En tout cas. Il est là, l'évolution. Pas l'évolution des darwinistes, là. Mais ce qu'on appelle l'épuration du mental. C'est-à-dire que les forces de l'âme ne sont pas supposées desservir l'ego puis empêcher le contact avec l'esprit. On est supposé savoir instantanément. Le savoir, c'est instantané. La connaissance, c'est temporel. Pour ça, il y en a des fois. Pour comprendre une petite affaire évidente que même un enfant est capable de comprendre, ils sont obligés d'aller à l'université pendant 10 ans, puis même rendu, ils sortent de là, puis ils ne comprennent pas encore. Ils ne le voient pas. Regardez les psychiatres, les psychologues, que leurs enfants sont malades psychologiquement, puis qui sont leur famille, ils sont malheureux. Bon, à un moment donné, là. Bertold, je découvre, vous avez trois voisines dans le chat. Oh, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ça se peut. Savoir qu'il va arriver quelque chose de majeur prochainement, mais ne pas ressentir quoi? Pas besoin de savoir certaines informations. Ouais. Ben, juste avant qu'il y ait les 2 ans qu'on a eu, puis tout, j'avais eu une entrevue avec David Lévesque, puis j'avais dit, il s'en vient quelque chose, ça se sent. Puis c'était, ouais. C'était, en tout cas, est-ce que le savoir a sa propre volonté? Non, non. La volonté, c'est la capacité de donner une direction à l'énergie. Le savoir, lui, c'est un peu comme une force. C'est au niveau des structures là, qu'il va falloir donner une direction. Mais bon, okay. Mais le savoir, lui, il est non différencié. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui fait que le savoir passe ou pas? Ah ben, ça dépend. C'est au niveau, justement, comme je parlais. Si vous êtes pollué, par exemple, par de l'expérimental. Ça va être au niveau de l'âme. C'est-à-dire l'expérimental qui est enregistré en vous comme mémoire expérimentale. Ça va jouer beaucoup. Donc, des fois, c'est comme quelqu'un, par exemple, qui serait dans les témoins de Jéhovah, qui est coupé de son savoir, c'est pour ça qu'il reste là-dedans. Mais à un moment donné, à force de souffrir, de souffrir, de souffrir, de souffrir, puis à un moment donné, il va ressentir une colère, puis tout, puis ça se peut qu'il défasse les formes, puis là, tout d'un coup, il va savoir qu'il n'y a plus d'affaires là-dedans. C'est pareil pour un paquet d'affaires, avec une problématique ou une mécanique qu'on perçoit chez soi, par exemple. Attendez, qu'est-ce qui fait que le savoir passe ou pas avec une problématique ou une mécanique qu'on perçoit chez soi, par exemple? Souvent, c'est parce que la personne n'a pas assez souffert encore. Donc, il n'y a pas une intégration. On peut avoir un savoir, mais il n'est pas intégré. C'est quoi la science intégrale? Pourquoi on a parlé de la science intégrale? Mais bon, je perçois sans netteté. Attends, je suis correct? OK. Je perçois sans netteté. C'est pour cela que je souhaitais vous en parler. OK. Le supramental m'éclaire sur beaucoup de choses et m'a aidé à sortir du New Age. Bon, ben, tant mieux, parce que c'est ça vraiment la job. C'est ça la job du supramental, entre autres. Ben, je parle comme il a été introduit au Québec par Bernard de Montréal. Même si des fois, c'est là qu'on voit que Bernard il ouvre une porte. Mais des fois, on se rend compte que même Bernard, il y avait du New Age un peu. Puis d'autres aussi. Donc, c'était le début de quelque chose. Mais là, on verra là, jusqu'où ça va. Il y en a, ils vont être choqués par ce que je dis là, mais des fois, moi-même, j'ai hâte d'avoir fini. Je viens tanner. Je suis tanné de cette planète-là. Je suis tanné de. Bon, à un moment donné, on a hâte, comment qu'on pourrait appeler ça? Le repos du combattant. Parce que moi-même, je me débat. Je me débat contre des influences. Je me débat contre de la mémoire. Je me. En tout cas, ah bien, comme le monde est petit. Ah oui, il faut quitter le New Age d'urgence. Ouais. Un message retiré. Oups, là, je suis rendu où, là? J'en ai perdu pas mal. Bon, je m'excuse. Je suis perdu un peu, là. Même que, il y en a, peut-être j'ai pas lu. L'oiseau, la famille, a cassé, plus personne n'a tapé sur la table. J'adore Père de Montréal. L'oiseau moqueur, un retour des Séraphins, ça ferait pas tort des fois. Moi, ok, ouais, vous parlez pas les Séraphins, les anges. Vous parlez de notre bonhomme. Ils l'ont refait, ça, les belles histoires, puis ils l'ont mal refait, puis c'est refait par du monde qui comprennent pas le contexte historique. Puis, hey, là, ils ont refait ça, genre un western américain, là. Car, lisez-les le roman, ça a-tu l'air d'un roux? Poudrier, c'est pas un roux, Chris, c'est un vieux bonhomme en plus. Ils ont pris quelqu'un de trop jeune, puis ça fitait pas, Chris, c'était pas bon. C'est ce qu'ils ont refait, là. En tout cas, un Français qui a réussi sa fusion esprit-âme dit que les. Bon, le Dreadlouche, il dit. Il dit que les énergies divines qui sont pour lui également astrales éteignent l'électricité du corps mental. Les chakras sont-ils tous astro. Non, ben là, c'est parce que c'est des centres. Fait que c'est neutre, ça. Mais l'astral passe par là. Ben, c'est pas parce que le centre, elle l'est. Hein? Prenez, s'il y a quelqu'un d'agressif qui passe par une porte, ça veut pas dire que la porte est mauvaise. Ça veut dire qu'elle est ouverte, qu'elle est fermée, ou bien que, bon, il y a pas de gendarme pour empêcher. En tout cas. Mais là, il va falloir que j'arrête, là. Puis, je m'excuse, ça va trop vite, le chat, j'ai pas pu tout lire, puis j'ai pas de souris, hein, j'ai un plateau. Donc, quand j'essaie de descendre, ça fait ça, comme ça, puis là, je vois plus. Vous avez répondu à votre question. OK, mental, ou esprit, soit supérieur, est-ce deux noms pour la même réalité? Non, c'est pas pareil, là. Mais on pourrait dire oui. Parce que là, bon, si on parle le mental, bon, mental inférieur, ça, c'est l'intellect. Mental supérieur, là, on tombe autre chose. Mais là, le soi, bon, c'est pas pire parce qu'au moins, vous ne dites pas un moi. Parce que le moi, c'est tout le temps inférieur. Le soi, c'est pas. Ouais. Donc, oui, ça marche. Ah bon, ben, merci, Luc. Mystère guerrière, je te comprends. Moi aussi, je suis tanné. Être sur cette planète. Ouais, pourtant, il va falloir toffer jusqu'au bout. Il va falloir persévérer. Persévérer. Puis il va falloir. C'est ça. Il ne faut jamais, jamais se laisser aller à de la fatalité, par exemple. Donc, ah, l'oiseau moqueur, les statues inertes devant lesquelles les gens priaient donnaient au final un meilleur résultat que les psys. Ben oui, parce que là, il y a une affaire de. Les gens vivaient. C'est qu'ils avaient à vivre, souffraient jusqu'au bout. Ouais. Mais il reste que ça avait ses limites aussi. Ça avait ses limites aussi. Il y a un saint, je ne me rappelle plus lequel, là, dans certains coins de la France, ce saint-là, les gens allaient le fouetter. Ils l'invectivaient. Il y a des dérives. Il y a des dérives. Mais à mes yeux, dès qu'on se met à genoux devant une statue, ça veut dire, bon, mais il doit ben, être quoi? Je veux dire, c'est comme si le psychologique, là, il y a quoi de transitif qui va vers autre chose. Mais il reste que c'est parce qu'on était mal éduqués, puis là, je parle même au niveau de l'instruction publique, puis le trois quarts des psychologues, à mes yeux, sont pas bons. Puis même souvent, les psychologues, moi, je suis toujours surpris de voir les psychologues, comment ils sont eux, même dans le New Age. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. J'en ai connu une, elle était, là, le ciel, c'était Osho. Osho Bhagwan Rajneesh, sacrament. T'es-tu allé à l'université pour te faire avoir à ce point-là? Il y a de quoi qui ne marche pas, là. C'est de quoi qui ne marche pas. Mais tu sais, c'est pas mieux que. Mais il reste que, des fois, des gens simples, qui ont des âmes simples, puis les curés de campagne, c'était correct. Ça marchait. Puis dans le sens que, bon, ben, il y avait ce qu'il y avait de besoin pour vivre ce qu'il y avait à vivre. Puis c'était pas nécessaire d'aller plus loin. Là, finalement, on est pris pour aller plus loin parce qu'on nous force. Le contexte nous force. Je trouve qu'Iso de supraconscience vibratoire a fait un beau travail de vulgarisation de certains concepts. Mais là, l'affaire, c'est parce que là, s'il y a de la vulgarisation, ça veut dire qu'on intellectualise. Hein? Il y a des affaires, là, ça se défait, là, en 2 minutes. 2 minutes. Ça devient clair, net, pas besoin de vulgariser pendant. En tout cas. Bon, là, j'en parle. Comment vois-tu le jeu et la domination du monde de la mort sur l'humain ignorant de sa nature profonde qui, à travers le truchement de la pensée, est dans la plupart des cas. Ou ouais, en faudrait peut-être, c'est de la façon que c'est formulé, j'ai un peu de misère. Bonjour, Franck. Comment vois-tu le jeu et la domination du monde de la mort sur l'humain? C'est par l'observation. C'est par l'observation. Vraiment. Puis sans affect, puis neutre, puis en dehors de l'intellect. C'est pour ça que ça devient important, là, l'affaire de surmental. Puis que je suis très inquiet par rapport à ce qu'il y en a, ce qu'ils en ont fait. Parce que j'écoute ça, je dis, le surmental, c'est pas ça. Là. Donc, pour voir ce qui se passe dans le mental, faut être en dehors du mental. Parce que sinon, c'est comme essayer d'imaginer la façade d'une maison, puis comment que les voleurs rentrent ou sortent dedans, alors qu'on n'en est jamais sorti. Donc, il faut savoir qu'en dehors de la maison, il y a un terrain, en dehors du terrain, il y a une ville, en dehors de la ville, il y a un continent, en dehors du continent, il y a une planète. Puis là, ça va tout le temps de plus en plus loin. Puis finalement, c'est parce que la vue s'élargit. Donc, moi, je vais devoir cesser parce que j'ai pas le temps. Il y a trop de monde. Il y a trop d'affaires, puis j'aurai pas le temps de tout lire, là, j'en perds. Puis, mais c'était le fun pareil, là. À un moment donné, là, j'avais l'air choqué, mais c'est pas parce que je suis choqué, c'est parce que je me fais mettre en vibration. Puis là, je deviens, bon. J'ai fait un rêve dernièrement. J'étais allé voir, j'irais, ils m'ont fait rêver à quoi. J'ai rêvé que j'étais allé voir avec quelqu'un que je connais, j'étais allé voir quelqu'un d'autre que je connais, puis à un moment donné, je parlais avec, puis là, c'était un lanceur d'alerte bien connu. Puis là, il y avait une statue de Bouddha dans un coin, puis là, la personne avec qui j'étais, puis ce lanceur d'alerte-là que je nommerai pas, là, les deux, ils se passaient un jour plus tard, puis j'ai pété à ma petite coche. J'ai dit là, vous autres, vous êtes des. Puis je suis parti. Je suis parti. Puis après, plus loin dans le rêve, je voulais aller dans un magasin, puis c'était un Dollarama. Puis là, pour entrer dans le Dollarama, il y avait une machine qui nous scannait, puis un employé qui voyait l'état de nos organes, puis blablabla. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, cassez ça. Puis là, j'ai donné de l'argent, merci pour l'examen médical, je ne veux pas rentrer dans votre magasin, puis je suis parti. Puis un rêve, mais là, c'est après, c'est de voir qu'est-ce que les intelligences au-delà de la forme voulaient dire. C'est quoi ça? Puis finalement, j'ai fini par comprendre. Que oui, c'est vrai que des fois, j'étais un petit peu agressif, mais il y a des raisons pour ça. Ça va avoir l'air d'être ça. Mais bon. Hein? Bon, ben, j'ai pas le choix, je dois partir. Donc, puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Il y a trop d'affaires, puis j'ai de la misère là, à descendre le chat comme il faut. Donc, bonne journée à tous, puis désolé, là, mais ça fait 1 heure et quart. Mais bon, ben, bonne journée à tous, puis prenez soin de vous autres. Hein. Pas au sens égoïste, mais prenez soin de vous autres au sens égoïque. Bonne journée.